J'ai trop de preuves pour les faire. J'arriverai pas en dernier. Je m'en sortir, j'ai trop galéré. Fait que la maman, je rêve d'avoir tant de billets. Termine-le pendant qu'il est. Famille nombreuse, compliquée. Je roule un con dans la chambre d'hôtel. Je vais plus contrôler d'identité. Tu peux t'en prendre une dans la tête. N'écoute pas ce qui se passe à la télé. Au report, quand j'ai fini la tête. Je me réveille à 3h, je suis déréglé. Wesh, la putain de ta madre. Non, non, non, non. Je m'avais promis que tu m'attendrais. Je reviendrai. Sûrement, je remonte la pente. Le mal, je l'affronte. Photo, il me gifonce. J'entrerai par ma chance, on fout la merde. On se verra pas tout à l'heure. T'as retourné ta veste, on pique ta mère. Je te donne même plus l'heure. Elle garde la pêche. T'inquiète maman, je rentre pas carré. Les voisins prennent pour un taré. Un jour je vais remonter Paris dans un bolide. Je rêve de me barrer. Reste une piste ou bien cavaler. Nombreux sont tes alliés. Regarde leur qu'il est. Je suis pas sous Jack ni sous Belvo. Putain de merde. Es-tu vraiment sûr que c'était putain de frère? Je deviens pas à nos coches, putain de terre. Le chemin est long mais putain faut le faire. Non, non, non, non. J'ai pas besoin de toi, donc va voir ailleurs. Je me rappelle pas de ce que j'ai fait hier. J'ai découillé des principes, des valeurs. Non, non, non, non. Je repars à la guerre. Cogno, elle est pas terminée. Tu proposes de l'aide, je t'en ai jamais demandé. J'ai tout ce qu'il me fallait, mieux vaut t'en aller. Hey, mental et d'acier, partons naviguer. Hey, je repars à la guerre, Cogno elle est pas terminée. Tu proposes de l'aide, je t'en ai jamais demandé. J'ai tout ce qu'il me fallait, mieux vaut t'en aller. Hey, mental et d'acier, partons naviguer. Hey, ce soir j'entre tard et je ne peux pas venir te voir. Personne ne sait pas si ça se pétache, or un pétard. J'tire une grosse barre et je me prépare, je claque la teport. Là pas l'amitié, on n'a pas besoin de ta ce fort. Je me rappelle plus de mon ex, tu crois que je vais me rappeler de ta vie. Je retourne pas ma veste, je préfère retourner tout Paris. Garde la chevet, prends le reste, tu t'en sors si tu fais la gif. Wesh l'ancien, j'ai grandi, la bise et nique ta mère là. Ouais je sens de la veine, à bord du vaisseau j'ai fait le tri. Elle me prend la tête, t'as gardé les autres donc je suis parti. Ma gueule on l'a fait, yeah, yeah. Laisse-moi seul gros je suis pépélé. Veille-moi vite là y'a plus de délai, on se tire pas mais devant ta pute tu me connais. Repose-toi pas c'est pas terminé. Je bombarde, je viens de me faire flasher. Je vais sur une côte, ça j'ai les idées. Les idées sur une île. Tu fais 1000, tu dois 10 000. Tu dois 10 000, c'est le micro ou la résine. Je repars à la guerre, Cogno elle est pas terminée. Tu proposes de l'aide, je t'en ai jamais demandé. J'ai tout ce qu'il me fallait, mieux vaut t'en aller.